Jean Réveillère par Édouard Ourliac. Si le lecteur connaissait le pays qui s'étend sur les bords de la Loire, entre Clisson et les ponts de Cé, je lui dirais de se représenter la vallée de Beaupré-Aubert-Bélébat, ou le chemin qui monte à Tourfou du côté de Nantes, ou la gorge sauvage qui s'ouvre au pied du château de Tiffauges. Qu'il se figure un fond de grasse prairie où serpente une rivière coulant à plein bord, et qu'on traverse sur une chaussée de pierre, puis, sur la hauteur, un petit chemin qui monte entre les genêts. À mesure qu'on gravit, la tranquille vallée se déroule alentour avec les collines qui la resserrent de tous côtés et dont les sommets verdoyants se perdent à l'horizon. Il est 4 heures de l'après-midi. Le soleil baigne les hauteurs de rayons obliques et déjà languissant. L'ombre s'allonge sur les gazons. Tout ce beau pays est désert. En suivant le sentier qui monte et qui se perd dans les bois, l'œil est distrait, en passant, par un toit couvert de tuiles d'un rouge vif qui tranche à travers les arbres. C'est la métairie de la tour Landry, maisonnette basse, à la mode du pays, qui tourne son pignon vers la route et cachée à demi de ce côté par une haie vive. Devant l'habitation s'étend une cour rustique qui est aussi l'air à battre le grain. À ce moment que j'ai dit, il y a longtemps de cela, 3 figures animaient ce paysage. Sur le seuil de la maison, une vieille femme assise filait, avec son grand bas-volet bien empesé, un mouchoir à carreaux proprement croisé sur la poitrine et la quenouille fichée dans la ceinture. Plus loin, sous un arbre qui laissait percer quelques rayons de soleil, une jeune fille, bras nus, valait du grain. Entre les 2 femmes, une enfant de 7 ou 8 ans se roulait avec un gros chien sur un monceau d'herbe sèche. Par moments, l'enfant se levait et courait vers Jeanne, sa seconde sœur, qui gardait les vaches dans le pâtis, à 200 ou 300 pas de là. Ces pâtis sont des bois tapissés d'un gazon ras et plantés de vieux chênes où paissent les bestions de vastes clairières. Jeanne suivait là ses vaches éparses en filant sa quenouille à pas lents. La vieille femme s'appelait la Réveillère, du nom de Feu Réveillère, son mari, métayer de la tour Landry, tué en 1790 dans les premiers troubles de la Vendée. Elle était la mère de ses 3 filles, Jeanne, Geneviève et Marie, et d'un garçon du nom de Jean qui menait la ferme depuis la mort du père. Geneviève, qui va née à ses côtés, était la fille aînée. Dans la longue habitude de ses travaux de campagne faits de compagnie, ces 2 femmes demeuraient des heures entières sans se parler. On n'entendait que le sifflement du fuseau et les secousses monotones du vent. Ce silence fut troublé par les cris de l'enfant qui revenait du pâtis et les gronderies de sa mère. Tandis que l'attention des travailleuses était suspendue, la Réveillère se retourna. « Geneviève, vois le soleil qui baisse, mets ta soupe devant le feu. Si ton frère repasse par ici ce soir, il en aura sûrement bon besoin. » « Il ne repassera point. Quand ils sont venus le chercher, ils sont allés par là-bas, du côté de Trémentine. » Il m'a bien dit, Geneviève, ne t'inquiète pas, je passerai peut-être encore la nuit dehors. Il a mis sa veste des dimanches en prenant son fusil. C'est aussi, je crois, notre tour aujourd'hui de porter à manger à la cache. Demain, notre mère, c'est la Borée qui fait la chaudronnée aujourd'hui. Combien sont-ils dans les ajoncs? Il y a 3 messieurs prêtres en comptant notre curé et puis 3 ou 4 maisonnées du côté du moulin. Ça fait une 20aine de gens. Si Jean m'en croyait, il y en aurait 24. On est toujours là plus sûrement à l'abri que dans sa maison. Vous dites vrai. Je vais toujours apprêter la soupe, dès que j'aurai fini cette mesurée. Ne bouge pas de là, Marie, tu iras me chercher de l'eau. Geneviève se hâta dans sa besogne, et la Réveillère se remit à tourner son fuseau. Dans ce nouveau silence, un coup de feu partit dans la vallée. Il fut suivi d'une vive fusillade qui gronda longtemps dans les échos, avant que les femmes, étonnées, immobiles, eussent pu dire un mot. « Les bleus sont dans le bourg !» s'écria la Réveillère. « Jean m'avait pourtant dit qu'ils étaient loin !» dit Geneviève, les mains croisées sur la poitrine. En ce moment, Jeanne accourut pâle, essoufflée, ramenant son bétail en toute hâte. « Vous avez entendu, ma mère ?»« Ah, mes enfants !» s'écria la Réveillère, en levant ses mains jointes. « Il va peut-être nous arriver bien des misères par ici !» L'enfant, qui s'était approché de la clé ouverte, se jeta par-delà en disant « Je vais y voir !» Ses sœurs s'élancèrent à la fois pour la retenir, mais l'enfant avait disparu. Elle se coula pour aller plus vite à travers les genêts qui couvraient la pente rapide. En quelques sauts, perçant le fourré, tantôt en se retenant aux branches, tantôt les écartant de ses petites mains, elle reparut sur la route étroite qui traversait la vallée. Elle vit là un homme qui s'efforçait de fuir, qui se traînait plutôt en regardant derrière lui et jetait hors du chemin des lambeaux qu'il arrachait de ses vêtements. Pâle, chancelant, il vient à elle en disant d'une voix éteinte « N'est-il pas là quelque endroit où je puisse me cacher et boire? Je me meurs. » L'enfant ému ne put répondre. Elle lui montra du doigt le sentier. L'homme la suivit. Comme il pouvait à peine gravir la pente qui était rude, l'enfant s'arrêtait, le laissait respirer, et se remettait à marcher devant lui, hâtant ses petits pas à mesure qu'elle approchait. Enfin, elle s'élança derrière la haie en disant « Notre mère, c'est un pauvre bien malheureux qui a soif !» La réveillère, toute troublée, allait ouvrir la bouche quand l'homme parut. Il s'arrêta sur le seuil, à la vue des femmes, promenant de l'une à l'autre un regard craintif. Comme elle s'avançait avec compassion, il fit trois pas de plus et vint tomber sur la chaise même où la mère filait l'instant d'auparavant. Il dit encore « Je n'en puis plus !» ferma les yeux et s'évanouit. Les trois femmes coururent vers la maison, tandis que l'enfant s'accrochait à leur jupe, disant d'un air d'importance « C'est un pauvre, n'est-il pas vrai, notre mère, que j'ai bien fait de l'amener ?» Les femmes revinrent portant du vinaigre, de l'eau, du vin. L'une soutenait la tête de l'étranger, la mère lui frottait les tempes. Il rouvrit les yeux et demanda à boire. Jeanne, versant un peu de vin vieux dans un verre, le lui fit avaler. Ils parurent animés. Et se jetant sur la cruche d'eau que tenait Geneviève, il en but avec tant d'avidité que la réveillère la lui retira des mains. Alors il en mouilla un linge qu'on lui présentait et se lava lui-même le visage. Puis il porta la main à ses jambes et tout le long du corps pour s'assurer qu'il n'était pas grièvement atteint. Dans le mouvement qu'il fit, on vit que le sang ruisselait sur sa main gauche. « Sainte Vierge !» dit Jeanne. « Il est blessé. Voilà le sang qui coule. »« Ce n'est rien, » dit l'homme. « Une égratignure. Je suis tombé de cheval. » Je me suis écorché. » La réveillère, reprenant le linge mouillé, lava cette main ensanglantée. On y voyait en effet une large écorchure qui avait mis le poignet à vif. Jeanne alla chercher de vieux morceaux de toile qu'elle tailla par bandes. Tandis que la mère en enveloppait la main du blessé, Geneviève tirait un mouchoir de son cou pour assujettir l'appareil. Et l'enfant attentive, les deux mains derrière le dos, demeurait debout, à deux pas devant l'étranger, toute fière de l'avoir amené d'être la cause de ces soins qu'on lui prodiguait. Pendant qu'on le pensait, cet homme fixa un œil curieux sur le visage honnête et paisible de ces trois femmes. « Merci, » dit-il enfin avec un sourire, « je n'aurais pas cru, d'après ce qu'on dit, trouver par ici de si bonnes créatures. »« Vous n'êtes point de ce pays ?» dit la réveillère. « Non, » dit l'homme avec embarras. « Vous ramenez du choc, pourtant. C'est donc que vous êtes à vous battre contre nos gars ?» L'homme, déjà si pâle, pâlit encore en suivant les yeux de la vieille paysanne qui se portait sur son habit entrouvert où se laissait voir une écharpe tricolore. Il fouilla dans sa poche et en tira une bourse avec une poignée d'assignats. « Tenez, brave femme, voici pour votre peine. Je puis vous en donner encore davantage. » Les jeunes filles se détournèrent et le fond voilé de la réveillère se couvrit d'un rouge vif. « Gardez votre argent. Nous ne sommes pas des misérables. Vous nous faites affront en vérité. » L'étranger, d'abord interdit, balbutia. Je ne me bats contre personne, moi. Je suis chargé, au contraire, de mettre la paix. De quelque côté qu'on soit, il faut bien faire son devoir. Il se tut, et peut-être, pour déguiser sa confusion, il retomba dans sa défaillance. Les femmes l'examinèrent à leur tour. C'était un homme d'environ 40 ans. Il portait une lévite avec un petit collet qui descendait sur les épaules, une culotte de peau, et des bottes qui laissaient voir à mi-jambe des bas rayés de rouge et de blanc, le tout déchiré, souillé de boue et de poussière. Son chapeau à large bord, comme ceux des gens du pays, était à ses côtés par terre. « Je vous aurais bien pris pour un de nos messieurs, » reprit naïvement la réveillère, « mais vous avez là une nippe comme notre ancien monsieur le maire. » L'homme effrayé reprit avec amertume, « Vous voulez vous venger, n'est-ce pas, tandis que vous tenez un de ces républicains que vous haïssez tant ?» « Moi, bonhomme, » dit la réveillère, « vous ne nous ferez pas de mal ici, n'est-il pas vrai ? Vous êtes dans la peine. Je ne regarde pas ce que vous êtes. Si nous avions de la rancune, nous ne vous aurions pas retiré. » « Eh bien, » dit l'homme en changeant de visage, « vous êtes de bien braves femmes. On nous trompe, voyez-vous, si vous saviez ce qu'on nous dit de ce peuple de la Vendée. Il faut qu'on en dise bien du mal, car vous nous faites bien du mal aussi. Que voulez-vous ? On vous représente comme des brigands. On échauffe la tête de nos soldats. On leur fait croire que vos femmes et vos enfants sont dressés à l'assassinat des patriotes. Mon Dieu ! » dit la réveillère en joignant les mains. « Est-il bien possible ? Allez, monsieur, les brigands sont de bonnes gens. Nous ne voulions, Dieu le sait, du mal à personne, quand elle est venue chasser nos meilleurs prêtres, qui n'avaient fait non plus que du bien. N'est-ce point la Mayence, qui a commencé à tuer nos hommes, à brûler nos maisons et nos champs? Croyez-vous bien que nos gars n'aimeraient pas mieux rester chez eux, où ils ont assez d'ouvrages à mener pour gagner un morceau de pain, plutôt que d'aller au choc contre le prochain, comme voilà mon pauvre Jean qui a perdu son père et deux de ses oncles dans les déroutes, quand il a vu qu'on viendrait brûler par ici? Il a bien fallu marcher comme les autres, parce qu'on aurait dit qu'il était un pâteau et un fainéant. Et puis c'est du cœur qu'il a, ce gars-là. « Vous avez un fils qui s'en va au choc ?» dit l'homme en tâchant de déguiser son inquiétude. Il comprenait assez le patois du pays pour entendre ce mot de choc qui signifiait les rencontres avec les Bleus, comme on appelait la Mayence, les diverses troupes républicaines, à cause de la célèbre garnison mayençaise commandée par Kléber. « Il faut bien, » répondit la réveillère, « puisque le bon Dieu l'a voulu. » Et s'en est-il allé bien loin? Je ne pourrais pas dire de quel côté il est allé. Il est parti ce matin de Hervézin, mais nous pensons qu'il reviendra souper. L'homme fit un effort et se leva en disant d'une voix altérée. Je m'en vais, je veux m'en aller. Il m'assassinerait, votre fils. Il n'est pas capable de ça, notre enfant, s'écria la réveillère. Vous lui faites tort. Mais le blessé ne se sentit pas la force de se soutenir. Il promena un regard désolé sur cette campagne déserte et se laissa retomber en pleurant. Les jeunes filles émues se rapprochèrent. N'ayez pas peur, notre frère est un bon homme, il sera content plutôt de ce que nous avons fait pour vous. Eh bien, je me fie à vous, dit l'homme avec effusion. Il est votre frère, il vous écoutera. Eh dame, oui, dit la réveillère, vous en feriez autant à notre place. Et si la Mayence venait par ici, comme vous les connaissez, vous les empêcheriez de nous faire du mal. Ah, comptez sur mon éternelle reconnaissance, dit l'homme avec le même accent théâtral. Il fut interrompu par la voix de la petite Marie qui criait derrière la haie. « Le voici, notre grand frère Jean !» L'homme tressaillit et fit encore un mouvement pour s'enfuir, mais Jean parut à l'entrée de l'air et le blessé, laissant retomber sa tête sur la poitrine, cacha son visage dans ses mains. « Jean, » dit la réveillère, « c'est un monsieur de la République qui a bien de la misère et qui se mourrait de besoin. Nous lui avons donné à se rafraîchir. » Jean, essoufflé, le visage en feu, lança sur cet homme un coup d'œil sinistre et dit tranquillement « Vous avez bien fait, ma mère. » Jean était un garçon d'une vingtaine d'années. Ses longs cheveux mêlés, sa veste délimanchée et son fusil fumant lui donnaient je ne sais quel air gauche et terrible. Ses guêtres étaient trempées de vase et son beau chapeau à cornes était orné d'un débris de panache tricolore planté de travers. « Et son bon monsieur avait peur de toi, » lui dit la mère. « Serait-ce point beaucoup d'offenser un infirme ?»« Pour ça, non, » dit Jean à l'étranger. « Si je vous avais rencontré un peu plus tôt là-bas, à la bonne heure, mais vous avez du mal, et vous entrez chez nous, ça ne me regarde plus. Nous ne sommes pas comme la Mayence, nous autres. » L'homme releva la tête par un nouvel élan de reconnaissance. « Généreux ennemi, vous donnez une noble leçon à nos soldats. Moi aussi, je leur ai prêché la modération. Ne sommes-nous pas tous frères ?»« Allons, petite, » interrompit Jean, en posant son fusil. « Va me chercher la soupe, si elle est chaude. »« Tu t'en retournes ?» dit la vieille. « Oui, ma mère, par la raison que j'ai promis à ceux de Vézin, de me trouver ce soir sur la lande. « Et qu'as-tu là sur ton chapeau ?» reprit la réveillère en riant. Mais Jean, sans lui répondre, se retourna vers l'étranger. « Et, sans vous commander, vous étiez sans doute par en bas tout à l'heure. » L'inconnu fit un signe affirmatif. « Ah, bien, si vous étiez tout à l'heure de ce choc-là, nous étions de la fête. C'était un détachement qui débouchait par la route Chartière, là-bas, en haut du pont. Oui, c'est là qu'a commencé le feu. Voyez ce que c'est. Vous étiez bien 100 hommes, et nous n'étions qu'une douzaine. C'est quelques coups que vous aurez attrapés là? Non, on a blessé mon cheval qui s'est abattu, et dans la chute, je croyais avoir une jambe cassée. Je vous reconnais maintenant. Vous avez pris le mot rodent tout au commencement. Tenez, ceci doit être à vous, je l'ai trouvé sur le chemin. Jean décrocha les plumes tricolores de son grand feutre et les jeta sous le chapeau de l'étranger. Ça vous va mieux qu'à moi, chacun son bien. Eh bien, tenez, à la bonne franchise et sans rancune, la balle qui a piqué votre cheval est partie de ce fusil-là, et je puis dire que je visais plus haut. J'ai passé dans l'eau pour vous couper le chemin, et puis je vous ai perdu de vue. Enfin, vous voilà. Je n'en suis pas fâché maintenant. » Jean, son écuelle dans ses mains, s'assit sur son escabeau et dépêcha les cuillerées. L'étranger dissimulait sous son accablement la confusion qu'avait pu lui donner le récit de Jean, témoin de sa fuite à toute bride. « Et du moins, dit le gars, cela va-t-il bien maintenant? Tâtez votre jambe, je vous donnerai bien encore un coup de main. S'il ne s'agit que d'un tourdion, il n'y a qu'à tirer. » L'homme se palpa et fit mine de marcher. « À la bonne heure, » dis-je en se versant à boire. « Nous boirons un coup ensemble à présent. Jeanne, va chercher un verre. » L'homme reprit le sien par terre. Jean le remplit jusqu'au bord. « Ah !» reprit Jean en essuyant ses lèvres du dos de la main. « J'avais bon besoin de me rafraîchir aussi. Mais voyez-vous, monsieur, vous n'êtes pas capable de faire quatre pas dans le pays sans vous perdre. Venez-vous-en, je vous mettrai dans votre chemin. » L'étranger parut hésiter et secoua la tête. « Laisse-le donc, Jean, ce pauvre homme. Il n'est peut-être pas dans le cas de mettre un pied devant l'autre. » « C'est donc dit, » reprit Jean. « Je compte revenir ce soir. Vous aurez le temps de vous reposer jusque-là. » Il prit son fusil et s'en alla en le nettoyant avec son mouchoir. « Prends bien garde, Jean !» lui cria la réveillère en courant sur le seuil. Quand le bruit des pas du jeune homme se fut perdu dans le sentier, l'étranger parut par degrés plus à l'aise. Il s'était levé, il se promenait de long en large devant la maison. La réveillère lui offrit de faire allumer du feu dans l'âtre, parce que, disait-elle, le soleil descendait et la flamme lui serait bonne contre l'air du soir. Il refusa. Il y avait à peu près 10 minutes que Jean était parti quand le chien aboya au bas du sentier. « C'est la chevrette !» dit la réveillère à l'enfant. « Cours donc la chercher !» L'enfant partit en sautant, mais elle était à peine sortie qu'elle revint et se précipita dans la clôture en disant d'une voix étouffée « Notre mère, la Mayence !»« Ils t'ont vu ?» dit la réveillère. « Oui, mère, ils m'ont vu !» L'étranger qui se tenait derrière la haie se dressa sur la pointe des pieds et regarda, en abritant sa vue de la main contre les vifs rayons de soleil qui se glissaient à travers les feuilles. La réveillère s'avança derrière lui, la laine suspendue. Ils distinguèrent un bruissement de branchages mêlé d'un cliquetis d'armes, et bientôt on put voir, çà et là, entre les genêts, des canons de fusil qui passaient des plumets rouges. « Citoyens, à moi !» s'écria l'étranger. « Mon Dieu !» dit la réveillère en lui saisissant le bras. « Qu'est-ce que vous faites là ?»« Ce sont des amis !» dit-il en souriant, sans se retourner. « À moi, soldat, par ici !» Il agita le mouchoir de sa main, enveloppé aux yeux des soldats, qui levaient la tête sans trop savoir d'où venait cette voix, puis courut au-devant d'eux. « Vous ne voulez point nous faire de mal ?» répétait derrière lui la bonne femme, toute troublée. Une voix s'écria. « C'est le citoyen représentant, il n'est pas mort !» L'inconnu et les soldats se rejoignirent et d'abord échangèrent quelques mots qu'on ne put entendre, et l'étranger, revenant vers eux, vers les paysannes stupéfaites, leur dit avec un air tout nouveau d'arrogance victorieuse « Allons les femmes, voici les braves, qu'il faut aussi régaler. » Les femmes reprirent quelques présences d'esprit pour exécuter cet ordre. Cependant, le représentant montrait aux soldats le sentier par où Jean venait de disparaître. L'un d'entre eux disait en jurant « C'est une chose que je me dois à moi-même. Tu sais, Tripier, je te l'ai dit là-bas, faut que j'en tue quelqu'un ce soir. » La réveillère apporta des verres, car ses filles étaient trop effrayées. « Eh bien, leur cria le représentant, approchez donc les enfants. Est-ce que les militaires vous font peur ?» La réveillère lui répliqua dans son honnête fermeté, « Dame, il n'y aurait rien de bien étonnant pour des jeunes filles de leur âge. » Le représentant triomphant versait lui-même à boire à ses hommes, et parfois régnait un silence sinistre interrompu par un mot dit à mi-voix. « Allons, » dit enfin le représentant, « nous allons nous mettre en route. » Vous voyez la mère que je ne manquerai point de guide à présent. Mais ce n'est pas le tout. Il faut que vous veniez avec nous. Entendez-vous, la mère? Moi, mon bon monsieur, vous et vos filles. Votre fils est contre nous. Il ne s'en est pas caché, vous savez. Vous servirez d'otage au quartier général. Oh! S'écria la mère, les mains jointes. Vous voulez nous fusiller? Non, du tout. Je sais que vous êtes de braves femmes, mais il faut que vous veniez avec nous. Non, non, dit la vieille en se retournant vers ses enfants. Je vous le dis bien. « Vous ne nous arracherez pas d'ici. »« Allons donc, finissons-en » s'écrièrent les soldats. Les femmes poussèrent un cri aigu, mais le représentant se mit devant elles en disant d'un air de raison aux soldats « Point de violence. Elles se sont très bien conduites avec moi. »« Allons, la mère, puisque cela vous fâche, nous vous laissons tranquilles. Vous nous donnerez bien une de vos filles pour nous conduire jusqu'au-delà du bois. »« Oui, je vais y aller, moi, ma mère, » dit Geneviève avec exaltation. « Venez-vous-en avec moi. » La réveillère tourna vers sa fille un regard déchirant, mais Geneviève dit encore d'un air résolu. « Je les conduirai bien, moi, ces messieurs, jusqu'après le Paty. Le chemin est bon ensuite jusqu'à Vézin. » « Eh bien, au revoir, » dit le représentant. « En route !» La fille sortit avec précipitation, engageant les soldats à la suivre. Les deux femmes qui restaient demeurèrent immobiles jusqu'à ce que le dernier soldat eût disparu. Jeanne alors se tourna vivement vers sa mère. « Ma mère, Ces hommes nous feront du mal. Il faut vous sauver à la cache. » Elle courut attacher le chien dans l'étable et fermer les portes. « Et ta sœur ?» dit la mère sans bouger en prêtant l'oreille. « À la volonté de Dieu, » dit Jeanne. « J'entends quelque chose qui me dit qu'il va arriver malheur. Vous êtes notre mère à tous. Venez-vous-en avec moi. » Elles demeurèrent encore un moment à écouter au loin. Tout à coup, ils entendirent des cris perçants, puis des voix d'hommes et des pas de gens qui couraient. Jeanne saisit sa mère à bras-le-corps et l'entraîna derrière la maison, tandis que la réveillèrent, en fuyant, appelait Marie, son dernier enfant. Les cris affreux s'éteignirent, et comme les femmes venaient de disparaître dans le bois, éperdues, leurs souliers à la main, des soldats reparurent à la clôture et coururent à la maison. Les portes tombèrent sous les coups de crosse. Ils cherchèrent, ils fouillèrent les lits, les armoires, les fagots du bûcher avec leurs baïonnettes. Tout fut dévasté et pillé en un clin d'œil. Ils ne trouvèrent que le chien taché dans l'étable. D'autres soldats arrivaient les uns après les autres, et le représentant s'avança un petit pas, sortit le dernier de derrière la haie. « Eh bien, envolez !» dit un soldat. « Nous leur avons laissé le temps. Cherchez-les. Citoyens représentants, c'est à savoir où et comment. Maladroit !» dit le représentant en jetant un coup d'œil dans l'étable. Il s'approcha du chien en le flattant de la main, défit lentement le nœud de la corde attaché à l'anneau de son collier, et dit avec un geste « Cherche !» Le chien se secoua, flaira de divers côtés, et partit en trottant du côté du bois. « Suivez-le !» dit le représentant en montrant le chien. « Nous allons les trouver !» On mit à la hâte le feu à la maison en 3 ou 4 endroits, et les soldats, sautant les buissons, coururent après l'animal, tandis que le représentant les suivait de loin. À 2 portées de fusil, le chien, longeant le pâti, traversa un chemin creux bordé de l'autre côté par un champ d'ajoncs très haut et qui présentait une palissade tout hérissée et impénétrable. Le chien aboya, se piqua le mufle à plusieurs reprises au brin épineux, puis se glissa en rampant dans le fourré. Les soldats battirent quelques rameaux à coups de sabre et s'insinuèrent à leur tour la tête basse. Mais ce côté justement était déjà frayé. Les paysans qui se cachaient dans ces champs d'ajoncs coupaient au ciseau des branches sur leur passage. Toutefois les soldats, cruellement déchirés, s'avançaient en jurant l'un derrière l'autre. La réveillère, accroupie et la dernière entrée à la cache, entendit le chien, les soldats. « Jeanne, » dit-elle, « il ne faut point découvrir le pauvre monde qui est serrant derrière nous. Pour Dieu, livrons-nous » Et les deux femmes se traînèrent à la hâte devant de ces hommes qui venaient. « N'allez pas plus loin, » dit la mère, « faites de nous à votre volonté. » Cette action sauvait la vie à 20 personnes qui frémissaient à 10 pas de là. Les soldats aveuglés dans ces branchages mirent la main sur les femmes, satisfaits de n'aller pas plus loin. Le représentant s'était arrêté dans le chemin creux avec un bas officier. Quand il les vit reparaître, il se remit à marcher en avant. La mère et la fille demeurèrent au milieu des soldats qu'ils avaient pris et qui les poussaient devant eux. La réveillèrent, avec toute sa présence d'esprit, songea encore à préserver sa fille, se tenant à 2 pas derrière elle, plus près des soldats, et les écoutant. Et comme elle portait les yeux en marchant sur le représentant qu'elle avait bien reconnu, la pauvre femme disait entre ses dents « Mon Dieu, est-il bien possible de rendre le mal pour le bien ?» Cependant, les soldats baissèrent la voix et la vieille entendit qu'il parlait de sa fille, la jeune, comme il disait, en termes si infâmes qu'elle eut peine à comprendre. Mais s'en fut assez pour lui inspirer plus de terreur que tous ces horribles apprêts d'une mort prochaine. Redoublant d'attention, elle pénétra les abominables desseins de ces hommes contre son enfant. Celle-ci n'entendait rien et marchait la tête baissée. Tout à coup, sa mère se retourne et lui dit à mi-voix « Jeanne, voudrais-tu pas bien mourir tout à cette heure ?»« Ma mère, nous avons tant de misère que je n'aurai point de peine du tout à mourir. Ma fine, laisse-moi faire mon enfant. » Nous irons plus de profit. Nous allons mourir tout de suite. Fais comme moi. » Elle s'arrête, se retourne et dit aux soldats d'un ton calme « Nous n'irons pas plus loin. Vous pouvez nous faire périr ici. » Elle se laisse tomber au revers d'un fossé, sa fille autant. « Veux-tu marcher ? En vérité, je vous l'ai dit, nous n'irons pas plus loin. » Les soldats, inquiets, voyant s'éloigner leur chef devant eux, s'adressèrent à Jeanne. « Marche-toi. Vous entendez ce que dit ma mère ? Faut que nous fasse mourir ici. Tiens ferme, Jeanne, il arriverait malheur à ton honnêteté. » Un de ces hommes appuya la lame de son sabre sur le ventre de la jeune fille et l'enfonça lentement. « Veux-tu marcher, brigande ?»« Nous n'irons pas plus loin, » disait Jeanne du même ton. Les soldats ne se retinrent plus, ils percèrent Jeanne à coups de sabre et de baïonnette, et balafrèrent la vieille qui levait les mains sur sa tête et qui, sous les coups, disait toujours « Tiens ferme, Jeanne, ne bougeons pas !» Les soldats, les voyant immobiles, rejoignirent le représentant qui les regardait faire de loin. Ils s'éloignèrent ensemble. Quelques moments après, Jeanne poussa un soupir, ouvrit les yeux et se mit en son séant. Et voyant sa mère étendue à ses côtés, elle appela, mais la réveillère ne répondit point. Alors Jeanne, couverte de sang, porte la main sur ses plaies, ramasse sa jupe et son tablier pour retenir ses entrailles qui se répandent et se lèvent. Elle se traîne en chancelant et s'en retourne au champ d'Ajon. Elle y pénètre, usant ses dernières forces à s'enfoncer dans ses épines. Elle arrive jusqu'à l'endroit où se cachait l'abbé Guérin, curé de sa paroisse. Ce prêtre, qui la croyait massacrée, pousse un cri de joie en la voyant. Elle tombe à genoux devant lui. « Monsieur le curé, il ne m'est rien arrivé. » Elle parlait d'une voix mourante et craignant que le temps lui manquât, elle reprend. « Monsieur le curé, il n'y a pas grand-chose qui me gêne sur la conscience, mais je n'ai pas voulu mourir sans recevoir encore l'absolution. » Le prêtre troublé ne sait ce qu'elle veut dire. Il se hâte de la bénir et Jeanne aussitôt tombe morte. On découvrit alors ses blessures et l'on comprit ce qu'elle voulait dire par cette parole, qu'il ne lui était rien arrivé. La réveillère ne revint à elle que longtemps après. Comme la nuit tombait, et ne voyant plus Jeanne près d'elle, pensant à Marie, sa plus jeune enfant, elle rentre dans le bois sur les pieds et sur les mains et se dirige vers la métairie. Une heure après, un homme passait par ce même endroit. C'était Jean qui revenait de la lande de Vézin. L'expédition projetée était remise et les gars s'étaient dispersés. Les bleus, disait-on, étaient loin. Jean, bien armé, sifflait en marchant, content de rentrer au logis. Il avait conté à ses amis qu'un officier de la Mayence était retiré chez eux. Pour couper court, il passe à travers le bois, se trompe dans l'obscurité toujours croissante et vient tomber dans le sentier qu'il avait pris en marchant. À quelques pas de la maison, le chien hurle, vient au devant de lui en rampant. « Ils sont couchés, c'est bon, chevrette, reste à l'étable. » Le chien hurle toujours et ne le quitte pas. Jean est saisi par une odeur suffocante de paille brûlée. Une épaisse fumée s'élevait au-dessus des haies. Il s'inquiète et tout à coup il trébuche, un corps étendu qu'il ne peut reconnaître. Il retire sa main pleine de sang. Épouvanté, il court à la maison, point de lumière. Les portes sont ouvertes, il appelle sa mère, il appelle Jeanne. Au milieu de cette horrible fumée, il se heurte d'abord à des meubles renversés. Il ne reconnaît pas l'ordre accoutumé de la maison. Le lit de sa mère est vide et Jean appelle encore « Ma mère !» Un gémissement qui semblait sortir de terre répondit au malheureux. Ses cheveux se dressent et il sort de la maison suffoqué par la fumée, égaré par les visions de son imagination villageoise, en appelant toujours dans son désespoir « Ma mère ! Ma mère !» Alors, tout près de lui, une autre voix l'appela doucement par son nom. Il ne put répondre que par un cri étouffé, et tout à coup, à la clarté douteuse d'une nuit d'été, un amas d'herbage se soulève, roule, et la petite Marie en sort, courant vers son frère sous la pointe du pied. Jean reprit quelque courage. L'enfant lui demande tout bas si les bleus sont loin, et puis il raconte qu'ils sont venus, qu'ils ont tué sa sœur Geneviève, qu'ils ont emmené sa mère et Jeanne, et qu'ils ont mis le feu à la maison. Et que pour elle, n'ayant pu atteindre sa mère, elle s'est cachée sous le fumier, en grand danger d'être tuée, parce que les soldats sont venus justement prendre des herbes dans le tas où elle était blottie. Elle avait vu aussi le pauvre monsieur de la République, qui était là, quand on avait mis le feu, et qui avait détaché le chien. Jean comprit tout sur le simple récit de l'enfant. Il court au foyer. Il y avait encore du feu sous les cendres éparses. Il allume de la lumière et parcourt la maison. La petite Marie marchait craintivement derrière lui. Tous les meubles de la chambre étaient pillés et bouleversés. Sur le point de passer dans l'étable, il entend ce même gémissement qui l'a épouvanté. Il regarde, c'était sa mère, couchée en travers d'une porte extérieure qu'elle n'avait pu qu'entrouvrir. Étouffée par la fumée, elle avait fait effort pour se traîner au grand air. La réveillère vit d'abord sa fille qu'elle attira dans ses bras. Elle l'embrasse sans parler. Elle essaie pourtant de faire entendre ce qui est arrivé, et le peu qu'elle en dit achève ce que l'enfant a commencé. Jean demeurait muet. Par bonheur, de grosses larmes tombèrent de ses yeux. Il soulevait parfois ses mains égarées comme pour se déchirer le visage, et puis il roulait dans sa gorge des imprécations inarticulées. La vieille lui prit la main doucement en montrant la petite croix qui pendait à son cou, et ses lèvres murmurèrent quelques mots dont il n'entendit que les derniers. « Comme il a pardonné. Sois bon, Jean. Marie. » Jean la soulève dans ses bras pour la porter sur son lit. Il cherche de l'eau, il lave son visage ensanglanté, il écoute si elle respire, mais la pauvre réveillère était morte dans ses bras. Les mains teintes de ce sang maternel, il tomba sur ses genoux au pied du lit, et l'enfant s'agenouilla derrière lui. Puis il se relevait pour se pencher sur le cadavre, animé de je ne sais quel fol espoir. Le corps s'était raidi. Il prit alors sa petite sœur par la main en lui disant « Viens avec moi, allons-nous-en. » Devant la maison, il lui dit encore de l'attendre, et revint au bout d'un peu de temps, emportant le corps de Geneviève qu'il alla mettre sur le lit auprès de sa mère. Il rajusta la porte enfoncée, puis, dérangeant la pierre du lavoir où il cachait ses cartouches, il en remplit les poches de sa veste, prit son fusil et, emportant Marie dans ses bras, s'en retourna, malgré la nuit, à travers les bois du côté du champ d'Ajon. Les gens du pays qui se cachaient en ces endroits avaient un signal pour se reconnaître. C'était un sifflement, un cri d'oiseau de nuit qu'on imitait avec la voix. Jean remit sa sœur entre les mains des paysans qui étaient là, conta ce qui s'était passé et dit qu'il allait venger sa mère. L'abbé Guérin le vit dans un tel état qu'il voulait le retenir. Il lui représenta que la mort de sa mère lui imposait de nouveaux devoirs et qu'il devait servir de père à sa jeune sœur. Mais Jean s'enfuit sans l'écouter. Le matin, il fit 5 lieues de paroisse en paroisse pour chercher les bleus et sans pouvoir découvrir une de leurs colonnes. Le soir, quand il revint en refuge, l'abbé Guérin lui mit dans ses bras Marie qui pleurait en lui disant « Que deviendra cet enfant si tu te fais tuer ?» Jean se mit alors à pleurer aussi. Il emmena sa sœur à la métairie et promit de ne plus se battre. Le curé vint de la nuit enterrer les deux femmes et toute la paroisse assistait à cette cérémonie. Comme c'était l'usage en pareil cas, chacun, comme il put, aida Jean à réparer ses pertes. Quelques garçons vinrent travailler avec lui. En quelques jours, sa maison fut remise en état. Il retrouva la plupart de son bétail et reprit ses travaux, quoique la guerre devint plus terrible. Il y eut même, au commencement de l'hiver, un grand choc à Coron, où Santerre commandait les troupes républicaines. Il fut battu et longtemps poursuivi. Pendant 2 jours, le pays fut couvert de fuyards, que les paysans tuaient impitoyablement. Jean, selon la promesse qu'il avait faite à son curé, ne quitta point sa maison, mais il gardait chez lui son fusil chargé en cas d'événement. Une nuit, 3 jours après la bataille et par un temps affreux, comme il venait de fermer sa porte, il entendit des cris au bas de la côte. Il cache sa lampe sous le manteau de la cheminée et prête l'oreille. Les cris redoublaient. Des coups de feu partent. Jean, à la hâte, emporte le berceau de sa sœur dans l'étable et décroche son fusil. En ce moment, on ébranlait à coups redoublés la porte de la maison. Une voix criait au dehors « Ouvrez, ouvrez, sauvez-moi, au nom de Dieu, je suis mort si vous n'avez pas pitié de moi. » Jean ouvrit un volet plus haut que la porte. Il entrevoit dans l'obscurité un homme qui tombe à genoux et lui tend les bras. « Cachez-moi, retire-moi, ils me poursuivent, ils vont m'atteindre. » Le malheureux, en criant, se jetait contre la porte. Jean prit sa lampe, alla ouvrir, et tout à coup, saisi d'un mouvement convulsif, il arrête cet homme qui se précipitait. « Tu ne me connais donc pas ? Me connais-tu donc, toi ? Toi, tu l'assassin Bourbotte ! » Il le saisit à la cravate. « Regarde, c'est toi qui as reçu la charité ici de ma mère et de mes sœurs. C'est toi qui les as fait périr, et c'est toi qui as mis le feu à la maison. » À ces derniers mots, les sanglots étouffèrent sa voix, et le représentant tournant des yeux hagards, suspendu par la cravate au poignet du paysan, se laissa tomber à genoux en disant « C'est vrai, je suis un monstre. Sauve-moi, sauve-moi, les voici !» Cet homme se serrait contre Jean et embrassait ses genoux dans les convulsions de la lâcheté et du désespoir. Jean le secoua 2 ou 3 fois comme un homme qui ne sait quel cours donner à sa rage, et le représentant suivait comme un cadavre inerte les mouvements terribles de ce bras nerveux. « Entre !» s'écria Jean, « entre, brigand !» « Il faut que je te pardonne, mais... » ajouta-t-il en courant sur lui, « va-t'en demain, de bonne heure, avant le jour, que je ne te vois pas, entends-tu ? Empêche-moi de te tuer dans ma maison. » Il lui mit ses 2 poings tremblants sur la gorge en lui répétant « Ne me fais pas perdre patience !» Il le poussa dans l'étable, où le représentant tomba prosterné. Après quoi, Jean ferma brusquement sa porte demeurée ouverte et vint s'asseoir tout frémissant au pied de l'âtre qui fumait encore. Mais de nouveaux bruits au dehors détournèrent son agitation. Il entendit encore des cris, puis un bruit de gens qui couraient, puis enfin sa porte et son balai qui tremblaient sous les coups et des voix qui appelaient « Jean, Jean, viens ça, Jean, ouvre !» Jean courut entr'ouvrir le volet en disant d'un ton d'humeur « Qu'est-ce que vous voulez ?» Les voix confuses lui répondirent « Bourbotte, Bourbotte est par ici en déroute, on l'a perdu de vue là, contre. Hardi, Jean, ouvre donc !» Jean ouvrit la porte et 10 ou 12 gars, tout échauffés, se précipitant la foi dans la maison, lui contèrent qu'on avait détruit un parti de bleu où ils avaient reconnu le scélérat qui le poursuivait et qu'il avait disparu près de là. « Mais qu'as-tu donc, Jean ?» interrompit un des paysans. « Comme tu trembles !»« Tiens !» s'écria Jean, « vous me parlez de ce brigand-là, et vous voulez que j'écoute tranquillement ?»« Viens donc, il n'est pas 20 pas d'ici, tu ne seras pas fâché de le tuer de ta main. » « Mais, dit Jean avec une simplicité bien jouée, êtes-vous bien sûr que ce soit lui ?»« Si nous sommes sûrs, Bourbotte le scélérat, il n'y a pas à 10 lieues un enfant capable de s'y tromper. On l'a tiré 7 à 8 fois tout à l'heure. Et si par bonheur j'avais eu le temps de recharger, il était touché parmi les genêts. » Les autres interrompirent pour presser Jean de les suivre, mais celui-ci répliquait. « Je ne puis pas quitter la maison sur le soir. »« Jean, dit le premier avec feu, n'est-ce point sur le soir que le brigand Bourbotte a massacré tes femmes et brûlé ta maison ? Il faudrait donc que tu n'eusses plus de cœur dans le ventre pour manquer l'occasion de rendre honneur à tes parents. » Jean fixa ses yeux étincelants sur celui qui parlait sans dire une parole. « Car vois-tu bien, reprit le jeune homme, à ta place, je voudrais le massacrer 10 fois pour le mal qu'il a fait dans le pays. » Une plainte étouffée partit de l'étable. « Écoute un peu, dirent les gars, qu'est-ce qu'il peut y avoir là ? » Jean fit mine d'écouter et dit d'un ton farouche, « C'est ma petite sœur qui gît en dormant, elle est couchée là tout contre. » Ce mot suffit si bien qu'un des paysans s'écrie avec impatience. « Pendant ce temps, le brigand s'échappe. » « Dépêchons, Jean a raison, il ne peut pas quitter sa sœur, puisqu'il est seul à la garder. Nous n'avons pas besoin de lui. »« C'est vrai, » dirent les autres. « Et puis voyez-vous, » dit Jean en faisant effort pour assurer sa voix, « ma pauvre femme de mère, au moment de mourir, a bien voulu qu'il soit pardonné. C'est ce qui me retient. Et comme dit monsieur le curé, je suis le père de Marie à présent. » « Tiens, Jean, dit le premier, tu as raison. Je retire ce que j'ai dit, mais je me charge de ton affaire, et si je le trouve ?» Sa phrase se perdit dans un roulement de menaces. « Dans tous les cas, dit Jean en les poussant vers la porte, il ne peut pas vous échapper. Il s'en est enfui sûrement par le bois. » Les paysans, parlant confusément, s'éloignèrent. Jean demeura sur la porte, et quand le bruit se fut perdu, il revint au coin de l'âtre, remit de l'huile dans sa lampe, et se laissa tomber sur une chaise, la tête penchée dans ses mains. Bientôt il se leva pour aller chercher le lit de sa sœur, comme si ce monstre allait empoisonner l'air que respirait l'enfant endormi. Peut-être aussi d'horribles soupçons lui venaient-ils en tête. Mais quand il fallut pénétrer dans l'étable, la force lui manqua. Il fait pourtant un effort et revient, portant Marie dans ses bras. Il avait vu dans l'ombre l'homme couché à la même place. La vue de ce misérable, de cet enfant, les souvenirs qui renaissaient partout dans cette maison rallumèrent toute la rage de ce pauvre Jean. Il saisissait son fusil, se levait en sursaut pour courir à l'étable et s'accrochait de ses mains crispées à la muraille comme pour se retenir. Puis il tombait à genoux et remettait son arme en place. Cette cruelle nuit s'écoula ainsi. Enfin, pour apaiser sa fièvre et respirer un peu d'air, il alla ouvrir le volet et voyant le ciel qui blanchissait, il poussa un cri de soulagement. L'enfant, à demi réveillé, balbutia quelques plaintes. Il la laissa se rendormir, puis ouvrit la porte et s'avança vers l'étable. « Pars, s'écria-t-il d'une voix rogue, va-t'en comme je t'ai dit ou je te tue. » L'homme sortit en rampant et s'élança dehors. « À gauche, lui dit Jean, et que Dieu te garde à présent. » Il se rejeta promptement en arrière et ferma sa porte. La guerre était finie, et de longues années avaient passé sur ces événements, quand Jean réveillèrent, il osa dire à ses amis du voisinage que Bourbotte était caché chez lui le soir même qu'il le poursuivait. Sa sœur était alors mariée. Lui-même avait femme et enfant, et sa maison, comme il le disait, depuis cette année 1793, semblait comblée de bénédictions. Et quand on s'émerveillait de son aventure avec ce trop fameux Bourbotte, « Que voulez-vous » disait-il. Valait-il pas mieux qu'il se vit pendre ailleurs ? Un an après, il a eu la tête coupée sur une place publique. En effet, Bourbaude périt sur l'échafaud après Thermidor. Un dimanche, au milieu d'un bourg, on me fit voir un paysan vénérable à longs cheveux blancs qui passait à cheval. C'était Jean Réveillère, et l'on me raconta à cette occasion les détails que je viens d'écrire. Cet honnête homme est mort depuis quelques années. Il laisse des fils qui sont fiers de son nom et qui voudront bien me pardonner, j'espère, d'avoir publié ce trait héroïque. Ainsi s'achève Jean Réveillère par Édouard Ourliac.